Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Une tasse à thé, un sucrier, deux jambes croisées, les femmes. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Eh bien, on interrompt Léo Ferret pour laisser la place à Angle d'attaque. Il est midi sur Radio Campus et vous écoutez Radio Campus sur les 106,6 MHz de la première radio libre. C'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque, A2TAC, AT, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour réaliser cette émission en direct, Florent, le maître du temps, pour l'animer, l'équateur au grand complet. C'est pas tous les jours. Louis, Ludovic, René, dit la science et Christian, présentement au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Des 6 premiers mois de Macron. Et c'est en bas latin que nous avons intitulé l'émission Jupiteris Exactiones. En français, les exactions de Jupiter, c'est quand même assez... Voilà. Le mot exaction est un peu fort, mais les décisions qui ont été prises par l'autoproclamé Jupiter depuis 6 mois sont pas mal violentes aussi pour la majorité des salariés et des citoyens de ce pays. 6 mois de Macron, c'est le moment de faire un bilan, on n'est pas les seuls à le faire, mais nous, on voulait le faire à notre sens. C'est donc la période du budget de l'État, nous allons passer en vue ce qui est prévu en termes de services publics, et puis nous entamons un quinquennat. Et oui, les amis, encore 4 ans et demi de Macron, et donc on va parler de politique budgétaire. On va parler de tout ça, mais pas que. Jupiter, Macron est très actif, reconnaissons-le. Il y a aussi l'actualité brûlante, je parle de réchauffement climatique. Mais maintenant, on sait que ça va aller beaucoup mieux, les amis, puisque les gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de fonds de pension, des banquiers et des assureurs se sont réunis cette semaine. Bref, le monde de l'entreprise et de la finance se mobilise pour la planète. C'est le titre du Figaro de mardi dernier pour la troisième édition du Climate Finance Day. Qu'en pense René la science? Eh bien oui, ce fameux donc One Planet Summit, comme on l'appelle, s'est déroulé donc le 12 décembre. Il était convoqué par Emmanuel Macron en réponse bien à la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris de 2015. Ainsi, la France se pose en leader de la diplomatie climatique, on dirait, donc dans la continuation, bien sûr, de la COP21. Alors, oui, certes, dans les accords de Paris, les États reconnaissaient la réalité du problème climatique, ils exprimaient leur vœu de limiter le réchauffement à plus de degrés d'ici 2100, mais aucune mesure contraignante n'avait été décidée. Ni non plus de remise en cause des principes libéraux du fonctionnement de l'économie mondiale. Voilà, donc ce sommet continue dans la droite ligne. En fait, il fait la part belle au secteur privé, à la finance verte, comme on dit, à ses dérives prévisibles, bien sûr. Et une question, est-ce que la France et Emmanuel Macron sont-ils vraiment placés pour jouer le rôle de promoteur de la transition écologique? C'est une question qui est intéressante. Demosphère y a répondu cette semaine avec un vif article sur le 12 décembre, sur cette réunion du 12 décembre. Tu en dis un mot, non? Non, ça va comme ça. Alors, on peut continuer, René. Eh bien oui, justement, parlons un peu des 6 mois d'écologie du gouvernement Macron. D'abord, abordons la question des perturbateurs endocriniens. La France avait d'abord promis qu'elle voterait contre. Elle a finalement voté pour le 4 juillet. Bon, c'était bien sûr au niveau européen. Le glyphosate. Alors là, bon, il y a quand même eu la plus de détermination, c'est vrai. Mais ce sont les autres États membres, notamment menés par l'Allemagne, qui ont approuvé la prolongation de 5 ans. Alors, pour sa part, le gouvernement français va l'interdire dans un délai de 3 ans. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Mais il ne faut pas oublier une chose. L'Union européenne est un marché unique. Alors, des produits alimentaires imbibés de glyphosate risquent d'arriver dans nos assiettes. Alors, les importations interposées, en effet. Oui, bien sûr. Bon. Et enfin, ensuite, le plan climat qui a été présenté le 6 juillet. Voilà, mais seulement sans financement à la hauteur, ni armé face au groupe capitaliste climaticide, ce plan climat est un couteau sans lame. Et en plus, il est dangereux. L'objectif de la neutralité carbone en 2050, présenté comme central et ambitieux, était en réalité volontairement flou et inquiétant. Sous l'habillage de trouver un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre de l'homme et la capacité des écosystèmes à les absorber, se cache en fait le renoncement à réduire drastiquement ces émissions et la porte ouverte aux technologies des apprentis sorciers du climat, géo-ingénierie, capture et stockage du carbone et aux fameux mécanismes de compensation du marché carbone qui ont déjà montré leur inefficacité. On l'a vu précédemment, la fameuse taxe carbone. Et c'est là aussi la porte ouverte à la finance verte, quoi. Donc on peut considérer que c'est une politique écologiquement inefficace et terriblement destructrice des droits et des conditions de vie des populations. Ce plan climat est finalement totalement voué au marché. Il conditionne la transition écologique au bon vouloir des entreprises et à leur anticipation des profits accrus. De même, rentrons un peu dans les détails, la taxe sur les transactions financières, c'est la grande absente du plan climat, puisqu'Emmanuel Macron l'a écartée. La loi sur les hydrocarbures, une version rabotée loin de l'ambition initiale a été affichée, loin de l'ambition initiale des premiers temps, a finalement été votée. Il faut savoir qu'elle... Au fond, elle permet toujours l'exploitation des concessions déjà accordées. Donc, ça nous mène à une interdiction des hydrocarbures assez lointaine. Le nucléaire. Alors, la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50%, il y avait une date butoir. Elle a été reportée au-delà de 2025. Ah oui, certainement au-delà de 2025, puisqu'on parle plutôt de 2030 et 2035 maintenant, en fait. Oui. La sortie du diesel en 2040, alors là, on n'a pas de détails sur les moyens financiers et technologiques qui seront choisis sous le gouvernement, donc ça fait un peu parole en l'air, quoi. Les accords de libre-échange et le CETA. Je crois qu'il faut en parler peut-être après de ça, mais effectivement ça en fait partie, tu as raison, dans la mesure où le CETA, on l'a suffisamment dit à Attac, était quand même climaticide pour un certain nombre de points, et puis ceux que tu as déjà développés sur les produits utilisés dans les fermes canadiennes ou des choses comme ça, les OGM, etc. Exactement, au niveau des hydrocarbures, parce que le pétrole des sables bitumineux pourra arriver librement en Europe aussi. Donc, pour ce qui est de la lutte contre le réchauffement climatique, ça va on sent qu'il y a quelque chose de foncièrement incohérent dans tout ce que nous propose Macron dans ses différents sous couvert effectivement de cohérence, mais là on est là pour dénoncer nous les incohérences en question. On va peut-être passer à la question parce qu'on va passer en revue je voulais annoncer les méfaits de la politique de Macron. Le numéro 1, c'est peut-être la loi travail, Ludovic. Oui, alors une loi travail, effectivement, qui a pris l'aspect des fameuses ordonnances sur le travail, donc passant outre, effectivement, le Parlement. Et je crois que l'une des dimensions, un des axes, on va dire, une des idées principales de ces ordonnances, c'est la fameuse remise en cause de la hiérarchie des normes, qui était déjà un topos cher à Hollande via la loi Mocri, la loi Comrie, hein, qui avait déjà la loi Comrie, je vais y arriver, et qui revient sur le tapis avec ces ordonnances. L'idée c'est effectivement que le contrat prime sur la loi et que les négociations en entreprise priment sur la loi, donc ce qui n'est pas forcément très favorable aux salariés. Voilà, donc ça c'est un des premiers, c'est un des axes effectivement les plus centrales de ces ordonnances. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a la question du compte pénibilité travail qui a été renommé compte professionnel de la prévention, qui à la demande du MEDEF sera simplifié par décret pour lui enlever les dispositions inapplicables entre guillemets, comme la manutention de charges lourdes, l'exposition aux postures pénibles ou aux vibrations mécaniques et aux risques chimiques. Ce qui est assez les principales sources de maladies professionnelles les salariés. Voilà, ce qui est assez cohérent avec la suppression des CHSCT. Hein. Absolument, voilà. Ouais. Là aussi, les choses sont cohérentes. Est-ce que René, tu veux éventuellement... Peut-être pour les CHSCT. En fait, ce qui va se passer, c'est plutôt une fusion des différentes instances. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les IRP, les représentants du personnel. Il y a les délégués du personnel, qu'on a DP. Les CE, c'est les conseils d'entreprise ou comités d'entreprise. Et enfin, les CHSCT, qui sont les comités d'hygiène et de sécurité. Des conditions de travail. Des conditions de travail. Voilà, tout ça va être fusionné. Ce qui risque d'avoir la prééminence, en fait, c'est les CE. Donc, les autres instances qui étaient plus proches du personnel risquent de disparaître, d'être absorbées dans ce qu'on va appeler maintenant le CSE, Conseil social en entreprise. Oui. Conseil social et économique. Voilà, il me semble. Bien. Dans certains cas, s'il y a un vote majoritaire, les CHSCT pourront être conservés, mais ils perdront la capacité de déposer plainte, ce qui nous amène déjà à les entraver sérieusement. C'est-à-dire que le problème, c'est effectivement, j'ai pas trop de nom. Le problème, c'est effectivement l'enquête que faisaient les CHSCT sur les conditions de travail, bien sûr. Oui. Je peux ajouter aussi que la fusion des IRP va aussi diminuer le nombre de représentants, ce qui va leur entraîner une surcharge de travail pour chacun d'eux, qui va bien sûr nuire à leur possibilité d'action. Voilà, donc en plus les CHSCT, comme je l'ai dit, ne pourront plus mener d'action en justice. J'avais trouvé une petite conclusion intéressante Oui. Alors l'exclusion des quatre causes de pénibilité, en fait les quatre principales, comme on l'a dit, la moindre capacité des IRP à analyser les risques et le retournement en cours de la jurisprudence sur la santé et la sécurité au travail, ça aussi c'est un point à souligner, converge vers une déresponsabilisation des employeurs. Et cela met en péril en plus la prévention des risques professionnels. Voilà, donc il y a quand même là quelque chose d'assez grave. Oui, en effet, Ludovic peut-être. Oui, alors il y a également aussi, on l'a peut-être pas évoqué, Macron nous dit qu'il est pour la cause des femmes. Hein. Or il s'avère que dans les ordonnances de travail, il y a un recul de l'encadrement du temps partiel. Partielle qui touche en grande partie les femmes, vous savez. Et ce recul de l'encadrement du temps partiel va donner lieu à un contournement d'un certain nombre de réglementations, notamment l'abaissement du seuil minimal de 24 heures hebdomadaires, par exemple. On va augmenter le seuil. Voilà, donc des conditions d'emploi qui vont apparemment se dégrader sous le fait de ces dérèglements du temps partiel qui touchent encore une fois globalement les femmes. René. Oui, c'est pas. Je crois qu'il y avait les temps partiels, donc notamment dans le secteur du nettoyage, avaient droit à un plancher plutôt de 24 heures semaine. Et ça, c'est supprimé. Ah oui. Je crois. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Le seuil minimal de 24 heures hebdomadaires va être supprimé. Donc ça, ce sont des choses qui sont acquises, si j'ose dire comme ça. Qui ont été adoptées. Qui ont été adoptées par le Parlement. Bon, le fait est, c'est que on est vraiment dans une situation où le gouvernement sert le MEDEF, en fait, hein, parce que les réglementations, tout cela joue avec le MEDEF, mais aussi, il faut quand même le signaler, les syndicats qui ont un peu suivi, ils ont un peu fait la tronche, mais quand même pas trop, ils suivent quand même, je parle de la CFDT, CFTC, et puis des cadres de CGCFE, oui, je dis bien, donc qui ont suivi quand même, ils ont rechigné un peu. Et puis, ce qui nous a beaucoup surpris, beaucoup déçus, c'est l'attitude de FO, en fait, qui était vraiment parti vent debout contre la loi El Khomri, et puis qui dit, bah oui, on a consulté, faut qu'on réfléchisse. Enfin, on imagine que c'est pas simple dans la fédération force ouvrière. Il doit y avoir des forces vives qui restent sur des politiques qu'on a connues du côté du temps de Bergeron, j'ai l'impression. Et puis, comme l'a souligné René, on est aussi assez clairement dans une stratégie européenne vis-à-vis du travail, vis-à-vis des salariés. On peut parler du Job Act de Mario Renzi en Italie. On peut parler également en Belgique de réforme du travail en Belgique. Arts qui sont le fondement de tout cela, la source d'inspiration ultime. En effet, bien sûr. Justement, faut bien le dire, ces pays, donc l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie peut-être moins, les États-Unis, sont souvent cités en exemple pour tenter de faire accepter au public la flexibilisation du travail, en fait. Et il faudrait peut-être voir qu'est-ce qu'il en est exactement dans ces pays. Est-ce que ces réformes ont été efficaces ? Est-ce qu'elles ont baissé le chômage ? C'est effectivement la question essentielle. D'autant que même s'agissant des lois ARTS, une récente publication d'un laboratoire de recherche allemand, dont j'ai oublié le nom, mais ça devrait pouvoir se retrouver assez aisément, la publication porte le titre de le mythe Arts et démontre qu'en fait le lien entre les lois Arts et le rebond qu'a effectivement connu l'Allemagne au moment de la seconde partie de la décennie 2000-2010, parce qu'il y a effectivement eu un rebond en Allemagne à compter de 2005, mais le lien de causalité entre les deux a été présenté comme absolument évident et en fait est loin d'être si évident que cela. Eux expliquent que cela tient davantage à la place qu'occupait et que continue d'occuper l'Allemagne dans la division internationale du travail et l'importance de son industrie manufacturière et l'explosion à ce moment-là de la demande émergente en biens manufacturés, notamment des nouveaux ateliers du monde, au premier rang desquels la Chine, et de par la place qu'occupait et que continue d'occuper l'Allemagne dans la division internationale du travail, elle a joui de cela. Mais les lois Arts, non, le lien entre les lois Arts et ce rebond est absolument contestable. C'est du Veblen, c'est possible. Il y a les travaux aussi de l'OCDE, qui n'est pas comme vous le savez, une institution gauchiste, qui montre depuis quasiment 2004, qui montre qu'il n'y a pas de lien, en tout cas mécanique, entre la dérégulation du marché du travail et la baisse du chômage, par exemple. C'est l'OCDE qui le dit, c'est pas quelqu'un qui a longtemps dit l'inverse. Quoi. Et le FMI commence à le... Et le FMI commence effectivement... Une dernière question sur cette question de la loi du travail, René. Oui. Une remarque. Peut-être je voudrais un peu compléter ce qu'avait dit Louis. Oui, l'Allemagne, on nous présente toujours l'Allemagne, mais il faut savoir que justement ce secteur porteur, enfin qui travaille pour industriels exportateurs de l'Allemagne, eh bien là, d'une part, les emplois sont stables et les salaires sont restés corrects. Donc ce secteur n'a pas été atteint par la flexibilité. Bon, bien sûr, il y a une Peut-être que certaines industries où on produisait des valeurs ajoutées moindres, comme les pièces de base de l'industrie automobile, ont été externalisées vers la Pologne, Lituanie, etc. Mais globalement, le secteur porteur allemand, qui fait sa richesse, ses exportations, les emplois sont restés stables et bien rémunérés. C'est tout le secteur des services, en fait, notamment par exemple les services à la personne, qui a été flexibilisé avec des salaires très bas, etc. La réussite macroéconomique de l'Allemagne repose clairement sur une dualisation du salariat en Allemagne, c'est absolument évident. En effet, on finira sur cette remarque. On va passer maintenant, justement, si tu as la parole, on va parler de la fiscalité macronienne avec Louis. Oui, absolument. Oui, absolument. Le PLF, le projet de loi de finances, et simplement un mot d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Il importe de procéder avec méthode, parce qu'une loi de finances, ça n'est pas une loi anodine. Les lois de finances déterminent pour un exercice budgétaire, donc pour une année, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État. Et en cela, une loi de finances est une loi qui a tant les qualités de ses défauts que les défauts de ses qualités. Parce qu'une loi de finances, de prime abord, c'est volumineux, c'est dense, c'est pétri de données statistiques extrêmement complexes, mais n'en demeure pas moins qu'à y regarder de plus près. La lecture d'une loi de finances est extrêmement riche d'enseignements. C'est comme si, au moment du budget, on ne mentait plus, on ne peut plus mentir. On est à nu, là. On est obligé de jouer carte sur table. Et donc, une loi de finances, c'est d'abord une loi opportune, et d'autant plus opportune lorsqu'il s'agit de la première loi de finances d'un gouvernement nouveau, au soir d'une année électorale à l'occasion de laquelle on a pu se présenter comme et de droite et de gauche. On a pu dire que désormais d'idéologie il n'y aurait plus, que désormais les maîtres mots ne seraient plus que efficacité, pragmatisme, réalisme, bon sens également. C'est amusant, le bon sens, ça va toujours dans le même sens, le bon sens, c'est amusant de le constater. Donc en gros, c'est vraiment une loi opportune, une loi de finances, au terme d'une année électorale où on a pu dire... en quelque sorte, de l'économie politique, vous n'y pensez pas, désormais ce sera de la science économique qu'on va vous proposer. Alors pour ce qui est maintenant du contenu du projet de loi de finances pour 2018, il importe de distinguer les impôts auxquels sont assujettis les personnes morales, au premier rang desquelles les entreprises, et puis les impôts auxquels sont assujettis les personnes physiques, comme les contribuables comme vous et moi. Et pour ce qui est de ces personnes physiques, le gouvernement donne clairement la priorité à deux mesures fiscales dont l'impact se concentrera sur les contribuables les plus fortunés. Alors d'une part, la transformation de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, en impôt sur la fortune immobilière par l'exonération du patrimoine mobilier, et d'autre part, l'établissement d'un prélèvement forfaitaire unique de 30% CSG incluse, c'est important de le souligner à l'heure où la CSG va augmenter, pour les revenus du capital. Donc ce sont deux mesures de défiscalisation du capital qui témoignent d'une confusion, mais attention, une confusion qui est sciemment entretenue, à n'en pas douter, une confusion en l'occurrence entre finances et investissement productif, puisque le postulat auquel, de nouveau à n'en pas douter, le gouvernement ne croit pas lui-même, c'est celui au terme duquel favoriser l'une, la finance, serait nécessairement stimuler l'autre, l'investissement productif. Or, de nouveau, ça fait partie d'une doxa qu'on a érigée en axiome pour mieux cesser de l'interroger. Exactement comme les lois, la dérégulation d'un marché de l'emploi favorise ou lutte, permet de lutter efficacement contre le chômage. On l'a dit, on l'a tellement répété qu'aujourd'hui on cesse de l'interroger, à part sur des ondes comme Radio Campus. Le lien entre finance et investissement productif nous est présenté comme absolument certain, et en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et René ? Justement, est-ce que dans la décennie précédente, le gouvernement Raffarin n'avait pas présenté quelque chose d'un peu analogue, avec toutefois une condition, il fallait effectivement, pour les investisseurs qui investissaient dans l'investissement productif, donc création d'entreprise, il y avait une... il y avait moins d'impôts, mais apparemment ça n'a pas tellement porté ses fruits non plus. De toute façon, depuis les années 80 et ce qu'on a appelé le tournant néolibéral, au même titre que les lois qui dérégulent les marchés de l'emploi, les lois qui régulent les marchés financiers ont été supprimées. Et les lois qui prétendent que amoindrir la taxation du capital circulant, du capital mobilier, va nécessairement amener les investisseurs à investir dans l'innovation, l'investissement productif, ont été extrêmement nombreuses. Encore une fois, je pense que ce qui est important de souligner, c'est certainement pas de prendre l'exécutif actuel comme les exécutifs qui l'ont précédé pour des idiots. À n'en pas douter, Macron a une compétence économique et les gens qui l'entourent également. Eux-mêmes ne croient pas à cela. Moi, je suis intimement convaincu que des mesures comme celle-là ont moins pour ambition de soutenir l'économie, puisque de toute façon, ça ne fonctionne pas. On le constate. Moins de soutenir l'économie que d'amoindrir l'aspect de redistribution de la richesse qui est celui de l'impôt. Là, on est vraiment dans le dogme néolibéral. C'est une ambition d'amoindrir l'aspect redistributif de l'impôt. Il y a quand même la théorie du ruissellement quand même, qui est là pour justifier. Enfin, bon, c'est pas présenté comme ça, parce que Macron se défend. Il parle plutôt de premier de cordée qui permet de faire grimper le niveau des derniers de cordée. Mais globalement, c'est ça, c'est la théorie du ruissellement. L'idée, c'est de dire qu'il faut favoriser le capital pour que le capital puisse investir et par voie de conséquence, de permettre à ceux qui sont en bas, les derniers de cordée, de bénéficier par l'emploi et éventuellement de redistribution. C'est une déclinaison de la théorie du ruissellement. Voilà, oui. Alors, théorie du ruissellement qui est quand même largement discréditée par des travaux de plus en plus nombreux et de plus en plus probants sur combien les inégalités engendrent des effets négatifs sur la croissance potentielle. Non pas que l'on se mette à croire à la croissance à angle d'attaque, mais on est bien obligé de jouer avec les armes qui sont celles qu'on nous propose, en fait. Un projet de loi de finances, c'est entièrement construit sur un indice de croissance, donc on fait avec ce qu'on a. C'est d'ailleurs un paradoxe à souligner, puisque finalement les décideurs généralement libéraux nous appellent toujours la croissance de leurs vœux, mais choisissent des politiques qui l'inhibent, en fait. C'est assez étrange. C'est aussi en cela qu'on peut s'interroger quant à savoir si la véritable ambition est celle de soutenir l'économie, parce que oui, il y a clairement une... Une conséquence déflationniste à des politiques comme celle-là, qui entretiennent les bas salaires, etc. Cette inflation faible qui persiste et que l'on n'interroge jamais, elle est clairement un aspect qui tend à considérer que la croissance ne reviendra pas. Oui, et pour aussi d'autres raisons, en effet, puisque la croissance aujourd'hui, qui semble être toujours l'objectif du gouvernement, est effectivement plombée par la déflation et plombée par la consommation, effectivement, qui est en berne. Oui, absolument. Il y a aussi cet aspect-là qui est celui de vouloir à tout prix de la croissance et de ne jamais s'interroger sur la qualité de cette croissance, comme s'il n'y avait qu'une croissance possible, alors qu'aujourd'hui, on nous dit que la croissance revient, etc. Mais cette croissance, force est de constater qu'elle est de très très mauvaise qualité. On a de la croissance parce qu'on va vendre, on va avoir une commande pour Airbus, et on n'interroge jamais des choses qui sont... Bon, déjà, on s'arrange bien pour ne pas distinguer inflation et inflation sous-jacente, ce genre de choses, et pour mieux masquer le fait que ce qui est en principe l'un des piliers de la croissance, à savoir la consommation des ménages, elle ne revient pas. Elle diminue même là, c'est le troisième trimestre consécutif où elle diminue. Tu as parlé de l'entreprise, on partait de la fiscalité des entreprises également. Alors des entreprises, oui. De nouveau, le gouvernement met l'accent sur deux mesures, le CICE et la diminution du taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le CICE, crédit impôt compétitivité emploi, c'est donc un crédit d'impôt, d'où son nom, donc un remboursement d'impôt à hauteur de 7% cette année et 6% l'an prochain sur la masse salariale totale des salaires d'une entreprise compris entre le SMIC et 2,5 fois le SMIC. Et le CICE, empressons-nous d'en rire de peur d'être contraint d'en pleurer, parce que c'est vraiment le désastre de l'idéologie. Le CICE ne fonctionne absolument pas. Il n'a jamais fonctionné. Il a été présenté en 2013 comme une mesure et non des moindres à même de renforcer l'investissement et l'emploi en améliorant les marges des entreprises. Mais entre 2013 et 2015, pour ce qu'on en sait, il a fallu dépenser 3 points de PIB d'argent public. Donc 3 points de PIB d'argent public, c'est 60 milliards d'euros pour créer ou préserver 100 000 emplois. Autrement dit, chaque emploi créé ou préservé au titre du CICE a coûté environ 600 000 euros d'argent public. C'est simplement hallucinant de le dire, mais c'est une réalité. 600 000 euros d'argent public par emploi du secteur privé créé ou préservé au titre du CICE. Et de nouveau, la raison pour laquelle nous en sommes là est absolument limpide. Personne, pas même le comité de suivi du CICE, n'est capable de déterminer la réelle destination des hausses des marges des entreprises éligibles au CICE. Le seul indice dont on dispose pour savoir ce qu'il en a été de ces hausses de marges, c'est de constater que la croissance salariale est demeurée plus que mesurée en France depuis l'instauration du CICE, alors que les dividendes distribués aux actionnaires, eux, n'ont eu de cesse d'augmenter. Ce qu'on peut dire également du CICE, c'est que le gouvernement a inscrit la pérennisation du CICE en allègement des cotisations patronales dans sa programmation budgétaire pour 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, les entreprises toucheront deux CICE, non pas un, mais deux CICE. Le premier sous sa forme nouvelle de baisse des cotisations, le second sous sa forme ancienne au titre de l'année 2018, puisque c'est un remboursement d'impôts, et le tout pour 40 milliards d'euros. Donc la théorie du ruissellement, pour revenir sur cette théorie qui n'en est pas une, fonctionne finalement, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a bien un ruissellement, mais qui ne vient pas du haut vers le bas. Un ruissellement, oui, effectivement. Qui vient des gens comme nous qui payons la TVA. De ce point de vue-là, absolument. Hollande avait augmenté la TVA pour notamment financer le CICE. Et effectivement, il y a bien eu un ruissellement, mais pas dans le sens, dans le sens que l'on... Qui préside à oui. cette théorie, c'est-à-dire, voilà, effectivement. En effet, alors, une remarque sur, effectivement, entre 10 000 et 200 000 emplois, t'as choisi 100 000, effectivement, et le coût, tu disais, donc, 600 000 euros par emploi créé. Ouais. J'ajoute que pour les emplois aidés, c'est 11 000 euros. On est 68 fois moins... Un emploi aidé, ça coûte 68 fois moins cher qu'un... Voilà. Qu'un emploi... C'est pour ça qu'ils vont être supprimés. C'est pour ça qu'on les supprime. Prenez et on passe aux dépenses publiques. On en a gagné 100 000 grâce au CICE, on en supprime 120 000 au titre des contrats aidés, et ce alors qu'il n'y a pas de dynamique de l'emploi, rien du tout. René, un dernier mot sur cette question. C'est bien sympathique de la part de Macron de faire ainsi des cadeaux aux entreprises, mais enfin tout de même, d'après une enquête réalisée par l'INSEE auprès de 10 000 chefs d'entreprise, pour eux le principal frein à l'embauche, c'est quand même l'incertitude économique, c'est-à-dire le carnet de commandes, enfin, pour 28% d'entre eux. Autrement dit, comme on a pu l'entendre sur certains médias, tout ça c'est bien beau, tous ces cadeaux qu'on nous fait, mais nous, ce qui compte vraiment pour nous, c'est que notre carnet de commandes soit plein. Or, avec les politiques menées de flexibilisation et de précarisation, qui donc vont grever le pouvoir d'achat des gens, les empêcher de consommer, comment cela va-t-il remplir le carnet de commandes des entreprises ? Là, il y a quand même un serpent qui se mord la queue. Je sais. Il y a une note de conjoncture de l'INSEE en juin qui témoignait de ce que une excessive régulation n'était absolument pas la première des préoccupations des employeurs, c'était effectivement l'absence de demande. Voilà. On a parlé de la fiscalité et donc des ressources du gouvernement, des recettes. On va passer aux dépenses avec Ludovic et la politique budgétaire. Oui, alors ce budget donc marque un très net infléchissement en matière du taux de croissance de la dépense publique. Entre 2013 et 2017, la croissance de la dépense publique en volume a été de 0,9% globalement. Et Macron veut infléchir cette tendance. L'idée, c'est qu'à la fin du quinquennat en 2022, la hausse ne soit plus que de 0,1%. Donc Bercy a évalué donc cet effort entre guillemets budgétaire réalisé donc que Macron veut réaliser, c'est 15 milliards d'euros en monnaie sonnante et trébuchante que l'État va devoir faire. Autrement dit, donc les administrations publiques vont devoir réduire leurs dépenses de 15 milliards d'euros par rapport à l'évolution de la dépense. C'est donc bien un budget d'austérité, qui ne dit pas son nom, mais c'est bien un budget d'austérité, et de restrictions budgétaires pour un montant d'environ 0,75 point de PIB. La dépense publique représentera ainsi 53,9% du PIB en 2018, c'est ce que veut faire Macron, contre 54% en 2017. Donc il y a bien une volonté de diminuer donc ce taux de dépenses publiques. Et l'effort sera réalisé principalement par l'État à hauteur de 7 milliards d'euros, sur la sécurité sociale pour 5 milliards d'euros, et les collectivités locales pour 3 milliards d'euros, dont la suppression des contrats aidés sera un des axes. Et l'effort sur les transferts sociaux sera important parce que puisque outre le budget de la sécurité sociale qui va aussi diminuer, l'État va baisser ses effectifs et plusieurs éléments de redistribution de son budget. On pense bien évidemment aux APL et à la politique du logement qui là aussi va devoir voir ses subsides baisser. Donc tout ça, ça répond effectivement, parce qu'il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est l'Union européenne. Bruno Le Maire ne s'y est pas, voilà, l'a dit clairement, hein, pour transformer l'Europe, il faut respecter l'Europe. Voilà, dit notre cher ami Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Donc l'idée, c'est qu'effectivement que la France ne subisse pas une procédure de déficit excessif. Et donc l'idée, c'est d'atteindre qu'en 2017, donc le déficit public passera sous les 3% du PIB à 2,9%. C'est ce que prévoit ce gouvernement. Donc le nouveau budget donc tape sur un déficit de 2,6% du PIB, malgré une aggravation nette du déficit de l'État de près de 6 milliards d'euros. La consolidation budgétaire est portée principalement, donc, comme je l'ai dit, par les collectivités locales et notamment la sécurité sociale. Donc en fin de quinquennat, Bercy tape sur un budget des administrations publiques en très léger déficit à 0,2% du PIB, qui là aussi, c'est pour les spécialistes, ce but manifestement ne sera pas forcément atteint, et donc il y a, je pense, là aussi une illusion de la part de Bruno Le Maire. Donc voilà, mais voilà, je pense qu'il faut effectivement parler de la Commission européenne qui fait aussi pression sur ce gouvernement pour justement baisser la dépense publique. Et Macron y est réceptif. Enfin voilà. Il est complètement réceptif. Il est très réceptif. Bon. C'est... Louis. Oui, simplement pour dire que 2,9% de déficit public cette année, le double CICE en 2019, c'est 1,1% du PIB de dépenses exceptionnelles. Donc là, ça va faire tout de suite un petit peu remonter la courbe. Actuellement, on travaille sérieusement à Bercy pour essayer de maquiller tout ça, pour essayer de le fondre dans des données plus globales, mais tout ça risque de ne pas durer. René, oui. Et justement, est-ce que ce choix-là de baisser fortement les dépenses publiques, comme on dit, c'est pas aussi regagner la confiance de l'Union européenne, mais surtout de l'Allemagne, pour pouvoir alors mener. Parce que Macron a quand même quelques idées de réforme de l'UE. Est-ce que c'est pas pour pouvoir mettre en avant plus facilement, mieux les faire passer auprès des autres États membres? Oui, je pense que c'est ça. C'est un peu le deal, en fait, c'est de dire, voilà, on fait les réformes, voilà, enfin, les réformes qui ne sont jamais qualifiées comme réformes néolibérales, hein, qui nous ont toujours présentées comme naturelles, comme s'il y avait eu un type de réforme. Voilà, on fait les réformes néolibérales, et moyennant quoi, Macron aura la possibilité, effectivement, d'infléchir un peu la gouvernance européenne, faire en sorte qu'il y ait un peu plus de fédéralisme, etc. Mais... bon, pour l'instant, on n'a pas... Bon, de l'Allemagne, pour l'instant, on ne sait pas où elle en est, parce que là, les tractations pour le nouvel gouvernement ne sont pas encore abouties, donc on ne sait pas quelle sera la coloration du nouveau gouvernement allemand. Et à supposer qu'il y ait une alliance entre le SPD et le CDU, la CDU, c'est pas sûr que le SPD arrive à avoir un contrat. Je pense que Merkel aura encore la main sur... sur ça, et je ne suis pas sûr que Merkel soit très favorable à une nouvelle réorientation de l'Union européenne, qui serait moins favorable aux intérêts de l'Allemagne, qui s'arc-boute sur son ordolibéralisme. Donc, là aussi, il y a peut-être une forme de naïveté de la part de Macron, de dire, voilà, on donne des gages, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura un retour sur investissement, si j'ose dire. Voilà. Oui, mais absolument, on est vraiment dans l'État auto-centré qui pense que... C'est encore une fois un élément d'une doxa qu'on s'est empressé d'ériger en axiome pour mieux cesser de l'interroger. Il n'est absolument pas certain, déjà, que les réformes menées fonctionnent, parce que on vient de souligner différents éléments qu'il s'agit de mettre en lien. Le fait que, par exemple, il soit désormais établi que des réformes structurelles de dérégulation d'un marché de l'emploi avec en situation budgétaire neutre ou récessionniste ne fonctionne pas. C'est le fameux retournement du FMI sur les coefficients multiplicateurs. Mmh. Et donc déjà, il n'est pas sûr que ces réformes fonctionnent. Elles ne fonctionneront probablement d'ailleurs pas. Et même si elles fonctionnaient, il n'y a que nous, en France, qui soyons certains que si elle fonctionne, l'Allemagne va nous écouter, et mieux encore, elle va aller dans notre sens. Ailleurs dans l'Europe, il n'est absolument pas acquis que tel soit le cas. Il y a même des États qui ont dit, nous, qu'a proposé Macron à la Sorbonne, on n'en veut pas, c'est déjà réglé. Les Pays-Bas, et il va falloir l'unanimité pour avancer sur ce terrain-là, et les Pays-Bas et l'Autriche ont déjà dit, nous, de toute façon, on ne veut pas en entendre parler. Donc il n'y a vraiment que nous pour faire un peu comme ça le faillot vis-à-vis de la première économie du continent, en se disant, voilà, on fait comme ça, et ensuite c'est bon, ensuite vous marcherez avec nous, etc. C'est absolument pas dit que ça fonctionne comme ça. C'est un pari très risqué. C'est un pari extrêmement risqué. Perdu d'avance. Après, je pense que Macron pense que le retour, il va y avoir un retour de la croissance mondiale. Il y a déjà plus ou moins un retour de la croissance mondiale, et que à la fin de son quinquennat, la croissance va revenir, la sacro-sainte croissance va revenir, et il pourra éventuellement redistribuer. Enfin, c'était un peu d'ailleurs ce que voulait faire Hollande. Oui, c'est toujours la même logique. Voilà. Une première partie de quinquennat où effectivement on serre la vis, et puis après on redistribue pour calmer le jobard des gens qui descendent dans la rue, et puis après on se fait élire. Quoi. Voilà. On a une division chronologique là. Voilà. Bon, on a vu qu'avec Hollande ça n'avait pas effectivement marché, parce que Hollande n'a même pas pu se présenter. Voilà. Je ne sais pas si Macron, ça c'est des questions qui dépassent largement le cadre du débat, mais effectivement, est-ce que on verra ce qu'il en est en 2022, mais je ne suis pas sûr que Macron puisse véritablement jouir, profiter de ces réformes. Je pense même que ça peut se retourner contre lui. Mais bon, l'histoire nous... Louis. Je pense qu'il y a un élément qu'il importe également de souligner, c'est combien, sous certains aspects, également, ces réformes, défiscalisation du capital, réforme structurelle du marché de l'emploi, amoindrissement de la dépense publique pour ouvrir un certain nombre de secteurs au privé, sont également des réformes menées pour essayer de ramener en France les oripeaux du Brexit. Du Brexit. Il va y avoir, alors, à n'en pas douter, Londres restera la place boursière d'Europe, mais voilà, il va y avoir quelques miettes qui vont tomber, et entre Dublin, Luxembourg, Francfort, et Paris, on se bat pour essayer de récupérer ces quelques miettes. Là, je lisais que on s'interroge quant à savoir comment il serait possible que la Cour d'appel de Paris ait une chambre qui statue en droit anglais pour justement les contentieux qui ont actuellement lieu à Londres puissent avoir lieu à Paris sans trop malmener les gens qu'ils acceptent de venir s'installer à Paris, etc. Oui, on a eu d'ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais, ou plutôt les Hauts-de-France, pardon, une démonstration lamentable de nos élus à Londres, qui sont allés dire, voilà comme on est beau, venez ici, vous les entrepreneurs britanniques, regardez, nous on a des lois pour vous, notamment les hauts salaires, je rappelle, dans la finance, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Voilà, des choses assez lamentables. Mais il faudrait quand même marteler quand même une chose, lorsqu'on parle de dépenses publiques, c'est toujours quelque chose qui a l'air de nous toucher au porte-monnaie, alors que... alors que les dépenses publiques, c'est 50% dans les dépenses publiques qui sont des prestations sociales, qui sont versées sous forme de prestations sociales aux gens en arrêt de maladie, en retraite, etc. Enfin, c'est, voilà, c'est quand même quelque chose. C'est pour ça qu'on est un pays assez peu inégalitaire. Inégalitaire, c'est sûr, par rapport à, peut-être par rapport à la Finlande, mais globalement, de manière générale, par rapport aux pays occidentaux, on est quand même un pays relativement peu inégalitaire du fait de ces redistributions et notamment absolument du fait que cette redistribution... Absolument, et il va falloir faire toutes les pressions pour que nous restions dans cette hypothèse. On va conclure là-dessus et on va laisser... Pas tout à fait. Donc, le temps à notre camarade de choisir un disque qu'il a déjà choisi, une musique. Donc, sur les conclusions, je vais essayer de les faire vite. Macron, c'est l'écologiste tardif, mais qui n'y croit pas vraiment. C'est beaucoup... Je dirais plutôt que c'est du trompe-l'œil. En fait, il trompe son monde. C'est plus grave qu'on pourrait penser. Oui, puis il y a un opportunisme. Il y a un opportunisme. Voilà, il y a Trump qui joue les... Bon, qui joue pas le jeu. Par rapport à Trump, il peut toujours c'est se ça, présenter. Forcément. Vous voyez, moi, je propose une alternative quand même. Comme toujours, mais, les axes. En définitive, c'est même. Les pas astres le cas. Lui sont favorables, encore une fois. Il a Trump face à lui, donc forcément, il peut apparaître comme écolo. Il n'y a pas plus. Merkel, Louis, absente. Pour conclure alors. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure très rapidement, c'est que, quoi qu'on en dise, c'est en tout état de cause une politique de droite qui est menée. Dérégulation du marché de l'emploi, consolidation budgétaire et baisse d'impôts, c'est historiquement le triptyque d'une politique néolibérale. En effet. Ben alors là, pour le coup, on va terminer là-dessus. Florent, d'accord ? À mesure que nous avançons vers notre triste condition d'insecte, je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveau disponible, de part de tranche de cible, à tout ce qu'il ouvre bien grand, activistes et manifestants, à nos amis anarchistes, à tous les fous terroristes, c'est pour qui la démocratie se vide de son sens si elle n'inclut plus le droit de dire non sans qu'une faction de flics fonde sur toi. Comme pour chaque quartier sinistré à qui on demande de la boucle Eden, surtout pas montrer l'échec maintenu d'une politique raciste, injuste et bâclée, à ceux qui exigent le respect malgré les menaces du préfet, tout ce qu'on discrimine et puis qu'on incrimine. Enfin, aux luttes fières et exemplaires dont nous sommes chacun tributaires des vagues d'immigration venues enrichir le sol, le sang et le sens de cette nation. Maintenant qu'on travaille pour les banques, qu'on sait très bien que rien ne manque et que l'État de droit n'est là que pour garantir la bonne marche de ce système-là, son incessante propagande, le modèle unique qu'il nous vendait, les efforts qu'il met à réduire le reste en miettes, à grand renfort de chantage sur l'exclusion et le chômage, et pour les plus endurcis l'option d'aller taffer pour rien au fond d'une prison pourrie où cachetons, télévision, chichons seront les remparts à la rébellion, pendant que police et code pénal maintiennent la paix sociale. À l'heure où la noblesse d'État est son américain d'avocat veulent nous donner des leçons sur l'effort des soumissions. Je porte un toast à la colère, légitime et sans savoir-faire, parce que le, c'est déjà ça, c'est à elle qu'on le doit. Donc c'était l'effort de soumission de Batlick. La soumission, en effet. René va nous faire un mot sur les activités d'attaque, et notamment on va commencer par le plan national, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà. Donc, eh bien, d'abord, succès de l'action Apple Paye tes impôts du 2 décembre. Plus de 30 actions ont été menées en France pour exiger qu'Apple règle son amende de 13 milliards d'euros à laquelle l'a condamné la Commission européenne depuis plus d'un an. De nombreuses vidéos sont disponibles sur le site d'Attaque France. Et le surlendemain de la journée d'action, le ministre des Finances irlandais a annoncé avoir trouvé un accord avec Apple sur la création d'un compte bloqué pour le versement de cette amende. C'est une première victoire qui montre que même un géant comme Apple n'est pas au-dessus des lois. Oui, alors l'histoire du compte bloqué, c'est marrant parce que ça n'a aucune valeur juridique en fait. Mais bon, voilà. Évasion fiscale. Évasion fiscale. Alors, bientôt le procès de Nicole Briand. Donc, pour rappel, le 6 février 2018, Nicole Briand, militante d'attaque, sera jugée à Carpentras. Son tort, avoir participé en mars 2016 à une action citoyenne et symbolique de fauchage de chaises. On a eu la nôtre. Dans une agence BNP Paribas. La Banque française championne de l'évasion fiscale. Paribas, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, une pétition BNP Paribas contre Nicole Briand, signée l'appel pour sa relaxe, est disponible en ligne aussi sur le site d'Attaque France. Je vous invite à la signer. Et tous les nordistes qui seraient à Carpentras autour du 6 février, ben on les invite à venir aussi manifester en face du palais de justice. La 11e conférence ministérielle de l'OMC, René. Oui, alors elle s'est tenue du 10 au 13 décembre à Buenos Aires, en Argentine. Alors, même si les organisateurs veulent y croire, l'OMC, suite aux échecs de Doha et de Nairobi, ne devrait pas revenir sur le devant de la scène, puisqu'aucun accord n'en est sorti. Oui, effectivement, parle d'ailleurs... On peut signaler que pour cette conférence, les ONG ont été exclues. Attaque France donc tient à faire connaître son indignation devant cette décision du gouvernement argentin. Une initiative sans précédent dans l'histoire des relations entre les ONG et les institutions internationales comme l'OMC. Enfin, un dernier point, parallèlement donc à cette conférence, il y avait le sommet des peuples à Buenos Aires, je dis bien. Donc c'était une occasion de nombreuses rencontres de militants venus du monde entier, principalement d'Amérique latine, dans le contexte de la crise générale des gouvernements de gauche en Amérique du Sud. Alors maintenant, on a effectivement deux communiqués, puisque on a parlé tout à l'heure du One Planet Summit. Et, alors, à ce sujet, donc, ATTAC a sorti un communiqué. Un document. La finance verte ne sauvera pas le climat. Enfin, plutôt, oui, il y a un communiqué. Donc la finance verte ne sauvera pas le climat, annoncé comme le moyen de donner un nouvel élan international à la lutte contre les dérèglements climatiques et d'apporter une réponse à la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. ce fameux sommet organisé par Macron le 12 décembre, a été marqué à la fois par le désengagement des États, le transfert de la charge de l'action aux marchés et acteurs privés. Un dernier mot, René, sur l'action d'Apple à Lille. Oui, et bien sûr, le document, Attac a publié également un rapport. La finance verte est-elle vraiment verte ? Où elle D'accord. démontre que c'est pas vraiment le cas. J'ai un peu brûlé les étapes. Je parlais de l'action au plan local du paye tes impôts. Oui. Alors, ça a été le relais de la campagne nationale, bien sûr. Elle a rassemblé une bonne quarantaine de militants, donc des trois attaques de la métropole, des Amis de la Terre et de Résistance à l'agression publicitaire. Donc, pancartes et banderoles étaient de mise, distribution de tracts au public et redécoration des vitrines de l'Apple Store de la rue Fédère à Lille que vous connaissez bien. Au Blanc de Meudon, bien sûr. Au Blanc de Meudon, s'il vous plaît. Et, bon, l'action a fait l'objet d'un article dans La Voix du Nord et vous pouvez retrouver les vidéos sur le site d'Attaque France. Bon, suite à l'intervention de la police, 3 militants ont été emmenés quand même pour une audition libre. En effet, et René en faisait partie. Merci. Enfin, pour terminer... on va arrêter là. Donc, l'agenda militant, donc quelques rendez-vous la semaine prochaine avant les fêtes. Lundi soir, 18 décembre, deux projections débat. Le premier, intitulé « Mort à 100% » au Café Citoyen de Lille à 19h, tire le bilan d'une vie de travail et d'exploitation pour ceux qui, dans le bassin et ailleurs, ont cru au mythe du mineur héroïque au travail et dans la lutte. Ce mythe auquel ont largement contribué les partis politiques de gauche et les syndicats s'est effondré sans heurts dans la mort du bassin du Nord-Pas-de-Calais. Les mineurs, le rendez-vous sera en présence des réalisateurs du film et suivi d'un post-scriptum. Également lundi soir à 20h au Tino Ciné à l'Université de Lille, trois projections débat intitulées Irintzina, le cri de la génération climat. Face au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de l'organisation basque Bizi font un pari fou, construire en quelques années une mobilisation sans précédent au vu de la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat nommé Alternativa. De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, en multipliant les villages des alternatives, de petites victoires en grande mobilisation contre les multinationales des énergies fossiles et les banques qui les soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation. Le mercredi 20 décembre à 19h, au CCL de Lille, projection de Sur les toits, que s'est-il passé dans les prisons françaises entre septembre 1971 et la fin de l'année 1972 ? Pour la première fois, les prisonniers déclenchent des révoltes collectives, prennent le contrôle de leur prison, occupent les toits et communiquent leurs revendications en s'adressant à la foule. 40 ans plus tard, ce film dépoussière cette page méconnue de l'histoire des luttes sociales. Le vendredi 22 décembre à 18h30, au café du métro 10B, place Jacques Février, un métro porte d'Arras, discussion sur le thème le hip-hop, un espace d'autodéfense populaire face aux inégalités et aux discriminations. Conférence débat à trois voix, Ismaël Métis, rappeur et directeur artistique, Audrey Verlic, intervenante socio-éducation populaire, Jessie Courmont, sociologue, organisée par Trou de mémoire et Phare pour l'égalité. Le samedi 23 décembre à 15h, à la bibliothèque de quartier du Vieux-Lille, l'atelier Histoire critique vous invite à sa troisième discussion publique. D'hier à aujourd'hui, la Corée du Sud, un exemple de démocratie, point d'interrogation. Il n'y a pas plus manichéen que le traitement médiatique relatif aux deux Corées. S'il est acquis pour l'immense majorité de l'opinion française que la Corée du Nord serait une dictature moyenâgeuse, entre guillemets, rares sont les espaces où l'on questionne sur la Corée du Sud. Deux intervenants qui sont des témoins directs, Yeda Lee, est réfugié politique sud-coréen et objecteur de conscience, et Milané Park est un militant féministe et donc ils seront présents à cette soirée. Voilà, merci. Eh ben dis donc, la Corée du Sud et la Corée du Nord, effectivement, c'est un beau programme, ça mérite effectivement d'en parler. Eh bien, je vois que Françoise commence d'occuper le studio. Je vous rappelle que vous pouvez toujours réécouter Angle d'Attaque pendant 2 mois sur campuslille.com et éternellement sur attaquelille.over-blog.com. Nous y avons archivé nos 5 premières saisons et les émissions que vous avez entendues depuis le début de la saison 6, c'est-à-dire depuis septembre de cette année. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve au mois de janvier, je crois le 19 ou 20, je ne sais plus bien. Bon week-end à tous. Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare, il capo in piedi.